Jeannet si jolie, Mona Manzana sourit, à qui veut bien contempler la douceur, la finesse de ses traits. Si Jeannet si jolie, Mona Manzana s'ennuie, elle va user ses nuits, va brûler ses envies. Si jolie, Mona Manzana oublie tant bien que mal ces histoires de cœur pâle, et qui se finissent au lit par un au revoir. Mais tu me rappelles, mais oui, demain dans la soirée, peut-être je ne sais pas ce que je ferai. Malheureusement, Mona connaît trop bien ce tout petit refrain. Donnera ce que ça donnera.